a fait une petite chanson sur l'écologie à notre façon. C'est un petit morceau de papier qui se balade, qui se transforme. Ça s'appelle Papier recyclé. Donc c'est une chanson un peu plus gaie que les autres. Papier recyclé, messieurs. Je suis le papier glacé du très beau rapport d'activité d'une grande société qui en bourse est cotée. Je suis couvert de courbes obliques qui présentent des profits magiques. Charte sociale, développement durable, promesse de commerce équitable. Mais un vilain matin, catastrophe, l'arnaque est découverte. Les bilans truqués masques un puissant fond de perte. Papier glacé, fini poubelle, mais magie de l'écologie et recyclé, vie nouvelle. La prochaine fois, papier joli. Me v'là papier CV pour envoyer les candidatures. Suis un peu moins classé, mais cependant j'assure. Je suis noirci par l'écriture de références qui rassurent. Diplôme béton, j'ai fière allure. C'est clair, c'est net, sans bavure. Mais un vilain matin, catastrophe, l'employeur n'en veut pas. Candidat banlieusard à l'heure n'arrive pas. Papier WC pour se sceller, mais magie de l'écologie et recycler une vie nouvelle. La prochaine fois, papier joli. Je deviens politique, enfin. Du papier pour tract électoral, pas du tout lutte finale, mais tendance nationale. Slogan de haine réveille nos peurs, promesse d'un avenir meilleur. Y'a qu'à Faucon et tout le reste, idées simplistes, des écrits pestes. Mais un vilain matin, catastrophe, l'électeur n'en veut pas. Il en choisit un autre pour le même résultat. Bulletin de vote, fini poubelle, mais magie de l'écologie et recycler une vie nouvelle. La prochaine fois, papier joli. Je renais billet doux, une lettre d'amour passionnée, promesse de baisers fous qui vous font frissonner. Je suis choyé comme un trésor, lu et relu, relu encore. J'habite dans une boîte à secrets, rien ne se perd, rien ne se crée. Mais un joli matin, un bel enfant naît de cet amour. Un bambin très curieux me découvre un beau jour. Il me plie en forme caravelle et il me lance, je prends mon vol. Puis je finis coincé, c'est drôle. Au septième ciel, la vie est belle. Au septième ciel, la vie est belle. Merci.